Amélie Mesureur, Conte du bonhomme Noël. Souvenir. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Bien que je porte sur mes épaules le poids de plusieurs milliers d'ans, à l'approche du 24 décembre, je ne puis songer sans un sentiment de profonde tristesse à la nuit de Noël de 1870. Moi qui suis le dieu de cette fête de la jeunesse, ce fut la première fois que je n'apportais pas avec moi joujoux, images, bonbons, en manière de surprise et de récompense destinée aux petits. J'aime tous les enfants naturellement, mais j'ai un faible particulier pour les enfants de France, et surtout pour les petits parisiens. C'est bien mon droit. En tant que bonhomme Noël, je me dédouble à l'infini et on me rencontre à la même heure dans 1000 endroits différents, empressé de remplir ma mission officielle et gigantesque. Je préside et je fais flamboyer tous les sapins verts enrubannés qu'on allume en mon honneur, et je bourre de friandises, de bibelots, de jouets, tous les menus sabots et souliers déposés devant les cheminées, pour l'unique satisfaction de voir les petits mioches crier, rire et battre des mains. Paris, si bruyant, si lumineux, si actif d'ordinaire, était lugubre ce soir-là. C'est que, depuis plus de 3 mois, la ville était cernée, affamée, assiégée par les Allemands. Aujourd'hui, ce souvenir, un affreux cauchemar, nous semble invraisemblable, et pourtant, il était réel. Les Prussiens étaient campés aux portes de la ville. Aussi, pour parvenir jusqu'à la capitale et traverser les lignes ennemies, j'avais dû me munir d'un sauf-conduit, d'un passeport et de mes papiers d'identité, établissant ma qualité non pas de mendiant ou de vagabond, mais de personnage biblique, légendaire et sacro-saint. Je parlais et je comprenais fort bien l'allemand. Malgré cela, quelques-uns voulaient me retenir prisonnier et même me fusiller comme espion. Enfin, grâce à un mot d'ordre de passe, je pénétrais dans l'intérieur de Paris, non sans avoir été l'objet de suspicions intolérables. Pauvre Paris, en quel état je le retrouvais? Plongé dans l'obscurité absolue, car il n'y avait plus de gaz, ni d'éclairage d'aucune sorte. Désert et abandonné, car tous les hommes, jeunes et vieux, montaient la garde aux bastions ou campaient aux avant-postes, tandis que les femmes, les enfants et les vieillards gardaient les maisons. Point de bruit de voix, de cris, ni de chants joyeux, point de lumière, ni de festin comme les années précédentes. Mais l'ombre et l'implacable silence, troublés d'instant en instant par des bruits lointains de canonnades ou de fusillades provoqués par de fausses alertes. Je me renseignais auprès d'une sentinelle à la porte d'une ambulance. La nourriture la plus élémentaire faisait défaut, et l'on avait à peu près épuisé les provisions de combustible, gaz, bois ou charbon, devenues tout à fait rares, si bien qu'on abattait les arbres du bois de Boulogne et des boulevards pour se chauffer. La bûche de Noël, de traditionnelle mémoire, ne brûlait pas, et les foyers étaient vides. À quoi pouvais-je être bon? Mes plus beaux joujoux, car j'en avais un stock de retenue dans les plus beaux magasins, aurait pu pleuvoir dans toutes les cheminées à la fois qu'il n'aurait pas arraché un sourire aux mioches que tant de malheurs terrorisaient. Un morne accablement régnait dans chaque famille. Les plus résignés parlaient de délivrance prochaine, qu'aucune nouvelle, d'ailleurs, ne venait justifier. Car Paris, sans communication possible, était séparé du reste de la France et du monde entier. Mieux que cela, d'un moment à l'autre, l'ennemi menaçait de bombarder la capitale. Et vous savez ce qu'est un bombardement, quelque chose de fantastique et d'effroyable, comme une pluie de feu, de fer, de mitraille, destinée à éventrer les monuments, les maisons, et à exterminer les habitants par douzaines. La fin du monde, quoi, ou tout au moins la fin d'une ville que l'ennemi veut anéantir. La température était glaciale, on se serait cru au pôle Nord. Il y avait de la neige plein les rues et plein le ciel, et le thermomètre marquait 10 degrés sous zéro. Malgré ma houppe lande de bure, chacun sait que j'ai toujours la goutte au nez, les mains dans les poches, mes longs cheveux et ma barbe poudrée de neige, mais cet hiver-là, mon nez n'était plus qu'un glaçon, ma barbe une gerbe de stalactites, et mes doigts endoloris, quasi gelés, incapables de se mouvoir, avaient laissé choir un petit paquet de verges que je porte toujours avec moi, histoire de me faire craindre et respecter. En passant par les rues, je risquais un regard à travers les fenêtres closes, et je ne voyais que misère et désolation. Ici, des jeunes femmes pleuraient, qui, faute de lait, ne pouvaient allaiter leurs petits. Des femmes silencieuses et recueillies se lamentaient, car elles attendaient leurs époux qui montaient la garde au bastion, à la belle étoile, par ce temps de chien, revenant tour à tour, se blottir et se réchauffer dans les casemates jusqu'au lever du jour. Il y avait ici et là des enfants malades, privés de tout, des mourants qui agonisaient et des morts qu'on veillait. Lugubre nuit de Noël, en effet. Vicissitude de la guerre, calamité humaine, fléau barbare que chacun maudissait. Le spectacle n'était pas moins navrant de l'autre côté des avant-postes. Des hommes aux casques pointus, les assiégeants, gelés et transis autant que les assiégés, devisaient entre eux des souvenirs de leur lointaine patrie. Leur victoire leur coûtait cher. Ils avaient laissé là-bas des épouses, des enfants, des mères, des sœurs. Beaucoup étaient inquiets de leur sort, et tous déploraient les conséquences d'une si pénible campagne. Les cloches ne sonnaient point de gais carillons, mais de funèbres glas à travers la nuit noire. Après 40 années écoulées, le souvenir de ce Noël de 1870 me remplit encore d'épouvante. Paris bloqué faisait mon admiration, l'admiration de la France. L'amour de la patrie, enraciné au cœur de la population, soutenait son courage, son héroïsme, sa vaillance. Et devant ces prodiges de stoïcisme, moi, le joyeux bonhomme Noël, je me mis à pleurer, ne sachant à quoi me résoudre. Tout à coup, une idée toute simple éclaira mon esprit, et pour venir en aide, dans les tristes circonstances où nous nous trouvions, à ce peuple de Paris qui m'est si cher, je jugeais que, décidément, les jouets et les friandises n'étaient plus de saison. J'eus vite fait de les solder aux divers marchands en gros à qui je les avais achetés un bon prix, puis m'étant entendu, moyennant finance, avec les bouchers, les boulangers et les charbonniers, cela me coûta une somme assez rondelette. J'ordonnais de distribuer double ration à chaque habitant, le lendemain, en l'honneur de ma fête. Et je disparus, satisfait d'avoir pris une telle résolution. Nul ne sut jamais que ce fut le bonhomme Noël qui suscita cet ordre généreux d'accorder un supplément de ration de pain, de viande de cheval et de charbon à tous les habitants ce jour-là. N'était-ce pas plus sage qu'une distribution d'étrennes et de bonbons qui eussent été malvenus, inutiles et dérisoires? Pour cette nuit de Noël 1910, je me proposais de voltiger en aéroplane au-dessus des toits, en laissant tomber à profusion sur mon passage une abondance de joujoux à la mode, dernière création. Mais je crois que je ferais mieux de me borner à offrir à mes chers petits mioches des parapluies, des bottes d'égouttier, des surcroîts de matelots, des pardessus de caoutchouc, des scaphandres pratiques et des canots automobiles, tous objets de première nécessité qu'ils pourront utiliser pendant la saison diluvienne qui nous submerge. Le bonhomme Noël, pour copie conforme, Amélie Mesureur.